Chapitre quatrième. On apporta pour commencer 4 douzaines d'huîtres, auxquelles Vibert, afin de donner le bon exemple, s'empressa de faire honneur. Langlade ne tarda pas à lui tenir tête. Soit que l'appétit lui fût revenu, soit que par forfanterie il ne voulut pas avoir l'air de regretter plus longtemps son infidèle. « Maintenant, commande, » dit Vibert, lorsque les 4 douzaines eurent disparu. « Ne te gêne pas, c'est l'État qui paye, j'ai des fonds secrets. » « Alors je propose un Chateaubriand, » dit le forçat qu'une première bouteille de vin blanc commençait à égayer. « Bah pour le Chateaubriand, mais je parie, » dit Vibert, « qu'il a une idée là-dessous. »« Quelle idée ?»« Un sentiment, un souvenir. »« Elle doit avoir demandé un Chateaubriand la dernière fois que vous avez dîné ici. »« Avoue-le. »« Mais, allons, ne te fais pas prier comme si tu étais une jolie femme. »« Ce diable d'homme, on ne peut rien lui cacher, » fit le forçat. En se versant à boire. Tu l'aimes encore? Ton soleil couchant, hein? Demanda Vibert. Non, je ne l'aime plus! S'écria Langlade, qui laissa retomber son formidable poing sur la table. Le choc suffit pour casser 2 verres. C'est à moi que tu comptes de pareilles sornettes? Dit l'agent de police. Est-ce qu'il est possible de cesser tout d'un coup d'aimer une femme qu'on a adorée toute sa vie? Adorée, oui, adorée, fit le colosse en soupirant avec bruit. Et elle ne m'a jamais aimé, elle. C'est toujours comme ça, dit Vibert. Si tu savais tous les tours qu'elle m'a joués. Je m'en doute, ce sont toujours les mêmes, et à chaque tour tu l'aimais davantage, n'est-ce pas? Hélas. Il avala d'un trait un verre de vin et ajouta. Mais je ne peux plus parler de ça. J'en dirai trop. C'est bon à savoir, se dit Vibert. Sois tranquille alors, mon bonhomme, nous y reviendrons avant la fin du déjeuner. Puis, se tournant vers Langlade, qui les 2 coudes sur la table, la tête dans les mains, semblait rêver. « Tu ne manges plus, » lui dit-il. « Songe donc que de longtemps, peut-être, tu ne feras pas un aussi bon déjeuner. Pourquoi ?» demanda le forçat en relevant la tête. « Comment pourquoi ? Tu devrais savoir cependant, par suite d'une longue expérience, que l'État n'a pas l'habitude de nourrir ses pensionnaires avec des chateaubriands. Je le sais, mais je n'ai peut-être pas l'intention de redevenir un des pensionnaires de l'État. » dit Langlade, qui regarda en face l'agent de police. « Vraiment ?» fit celui-ci sans paraître s'émouvoir. « Je croyais cependant avoir eu le plaisir de t'arrêter ce matin même. »« Tu m'as arrêté, j'en conviens. Mais qui m'empêchera de m'en aller quand j'aurai déjeuné ?»« Moi. »« Toi ?» fit le colosse en riant. « Tu ne m'as donc jamais bien regardé. » Il se leva. Sa tête atteignit facilement le plafond du cabinet. « Eh bien, » dit Vibert, en l'examinant avec son pince-nez, « tu es un bel homme. » Je le savais, et ce n'est peut-être pas très aimable de faire parade devant moi de tes avantages physiques. Et mes épaules, les as-tu remarquées ? Continua Langlade, qui se mirait complaisamment dans une glace placée derrière Vibert. Peux-tu me les céder ? Non, alors n'étale plus tes charmes, cela m'humilie. Je voulais seulement te faire comprendre, dit le forçat en se rasseyant, qu'à la fin du déjeuner, il me sera très facile de te soulever dans mes bras, de te mettre une serviette dans la bouche pour t'empêcher de crier, et de te jeter sous la table tandis que j'irai tranquillement à mes affaires. « Oui, » dit Vibert, en servant Langlade la moitié d'une omelette qu'on venait d'apporter. « Tout ce que tu viens de dire paraît au premier abord très facile à exécuter, j'en conviens. Seulement ?»« Seulement ?» demanda le forçat. « Tu ne l'exécuteras pas. Pourquoi ?»« 2 motifs t'en empêcheront. Lesquels ? D'abord, tu ne pourras même pas t'approcher de moi. »« Tu plaisantes ?»« Non, je suis sérieux. Regarde. » Et plaçant devant lui un pistolet à 2 coups, « Tu ne le connais pas ?» demanda-t-il. « C'est mon pistolet. »« Évidemment. » « Tout à l'heure, dans ton désespoir, tu l'as oublié. Moi, je l'ai pris. S'il arrivait que, pendant ton absence, on fît chez toi une visite domiciliaire, la découverte de cette arme t'aurait compromis. J'ai voulu t'éviter ce désagrément. »« Oh » continua-t-il. « Ne jette pas sur ce pistolet des regards de convoitise. Je ne te le rendrai plus. Les temps ont bien changé depuis 1 heure. » Ce matin, je ne tenais pas à la vie. Maintenant, ta société et ce vin blanc m'ont tout ragaillardi. Je veux vivre. Sois assez bon pour t'en souvenir. Que prendrions-nous comme dessert ? Continua-t-il du même ton aimable. Je te propose un roquefort, des mendiants, et un excellent café accompagné de cognac. Cela te va-t-il ? Comme tu voudras, fit Langlade d'un ton bourru. Mais tu m'avais parlé, continua-t-il, de 2 motifs qui m'empêcheraient de quitter ce restaurant sans toi. Tu viens de dire le premier, quel serait le second ? Oh, le second est encore meilleur. Voyons. je t'ai promis qu'avant de te faire enfermer, je te procurerais le plaisir de voir soleil couchant. Tu ne voudrais pas me mettre hors d'état de remplir ma promesse. Bon, je tiens plus à ma liberté qu'à une femme, dit Langlade d'un air dégagé. Soleil couchant n'est pas une femme, pour toi c'est ma fétiche, c'est une idole. Je la retrouverai toujours. Dans 10 ans, dans 2 ans, dans 6 mois, dans 15 jours même, je te l'accorde pour t'obliger. Mais ce que tu veux, c'est la voir aujourd'hui même, tout de suite. C'est pouvoir lui jeter à la face toutes les injures que depuis 2 heures ton cœur amasse contre elle et qui t'étouffe. Oui, oui, c'est cela, s'écria le forçat, qui depuis un instant buvait de l'eau de vie à plein verre. Et quand je lui aurai dit tout ce que j'ai sur le cœur, continua-t-il, je l'étranglerai de mes mains. Tu aurais tort, fit observer Hubert en reprenant la bouteille d'eau de vie. Il avait désiré que Langlade se grisât, mais il ne voulait pas qu'il fût complètement ivre. Pourquoi aurais-je tort ? Demanda le forçat. Parce que c'est bête de tuer lorsqu'on peut se venger autrement et se mieux venger. De quelle façon ? Une journée de prison, reprit Hubert, a effrayé Soleil couchant. Elle a eu peur d'être enfermée pour 10 ans, pour 5 ans peut-être, et elle t'a livré. Eh bien, livre-la à ton tour. Elle doit avoir été ta complice dans plus d'un méfait. Un mot de toi l'envoie en cour d'assises, et les juges s'empressent de l'expédier aussitôt dans quelques maisons centrales où elle ne peut plus trahir personne. Langlade réfléchit un instant et dit « Non, je veux bien la tuer, je ne veux pas la faire souffrir. »« J'ai manqué mon effet, » se dit Vibert. « Ce forçat est trop vertueux. Cherchons autre chose. » Il reprit. « Tu vois bien que tu l'aimes encore. »« Eh bien oui, je l'aime, parbleu, oui, je l'aime. » s'écria le forçat en se levant. « Mais tu n'es pas jaloux. »« Je ne suis pas jaloux, moi. »« Non. » « Si tu étais jaloux, tu la ferais enfermer pour qu'elle ne te trompe pas durant ton séjour à Brest ou à Toulon. »« Puisque je te dis que je vais la tuer !» vociféra Langlade, qui se rapprocha de Vibert et lui serra les mains à les briser. « Ah, je ne suis pas jaloux » continua-t-il en s'animant de plus en plus, « moi qui ai assassiné un homme à cause d'elle !»« Ne me compte pas cela, » dit Vibert, « je serai obligé de te dénoncer. » Il savait qu'un amoureux et qu'un homme ivre parlent d'autant plus volontiers qu'on paraît fuir leur confidence. Hé, dénonce-moi ! S'écria le forçat au comble de l'exaltation. Que m'importe ? Puisque Soleil couchant m'a trahi, je préfère monter sur l'échafaud que retourner au bagne. Il s'empara de la bouteille d'eau-de-vie que cette fois Vibert ne fit aucune difficulté pour lui rendre. Il porta le goulot à ses lèvres, but à longs traits et continua à voix basse en s'approchant le plus possible de l'agent de police. « Oui, je le répète, j'ai assassiné un homme à cause d'elle. Oh, il n'y a pas longtemps. C'était en octobre ou novembre dernier. Elle demeurait alors rue Neuve-Saint-Augustin, près du carrefour Gaillon. Un soir, je monte chez elle et je frappe à sa porte. Elle ne répond pas. Je crois qu'elle est sortie et je vais partir lorsque j'entends parler dans l'appartement. Alors je descends en étage et j'attends. 1 heure s'écoule. La porte s'ouvre et donne passage à un homme qu'elle accompagne sur le carré. À bientôt. » lui dit-elle, et elle l'embrasse. Comment ne suis-je pas remonté pour les tuer tous les deux ? Je ne sais pas. L'homme est descendu, je me suis rangé pour le laisser passer, je l'ai suivi. Il a pris la rue Neuve-Saint-Augustin et la rue de la Paix. Tout à coup, il s'est arrêté devant une porte cochère, il a entré, j'ai fait comme lui. Ensuite, j'ignore ce qui s'est passé, j'avais perdu la tête. Je ne me souviens plus que d'un cri, terrible, poussé par ma victime. 5 minutes après, je rejoignais Soleil couchant et je lui disais « J'ai tué ton amant ». Ce récit, entremêlé de nouvelles libations, avait complètement épuisé Langlade. Sa tête retomba lourdement sur la table. Tous les efforts de Vibert pour obtenir de nouveaux détails furent inutiles. Du reste, qu'avait-il besoin de détails ? Le récit qu'il venait d'entendre n'était-il pas des plus clairs ? Pendant que le forçat dormait d'un lourd sommeil, l'agent de police philosophait, mais sa pensée s'était reportée vers la rue de Gramont. « Les hommes ne changent donc jamais, » se disait-il. Leur femme s'absente pendant 2 mois, ils n'ont pas le courage de lui rester fidèles. Tout leur est bon. Une belle créature apparaît, leur sourit, ils oublient aussitôt leurs promesses, leurs devoirs, leur amour. Ils levaient les épaules. Leur amour. Comment puis-je me servir de ce mot ? Est-ce qu'ils aiment, ces gens-là ? Ils désirent, tout au plus. Lorsqu'on aime véritablement une femme, il n'en existe aucune autre sur la terre. Qu'on m'enferme avec soleil couchant dans une île déserte, au bout de 10 ans, l'île n'aura toujours que 2 habitants, un seul peut-être, car il est probable que je serai mort d'ennui auprès de ma compagne. » Il s'arrêtait et reprenait. « Il n'a eu que ce qu'il méritait. Tromper une femme comme celle-là, c'est une infamie. » Quand, une heure après, le forçat se réveilla, Vibert voulut reprendre la conversation où elle avait été laissée. Mais Langlade, à moitié dégrisée, refusa obstinément d'en dire davantage. Il n'avait plus qu'une idée fixe, revoir au plus vite soleil couchant. L'agent de police comprit qu'il serait dangereux de tarder plus longtemps à tenir sa parole. Il paya la note, arma son pistolet, remonta dans le fiacre qui avait attendu et se dirigea avec son compagnon vers la préfecture.